Un crime d'amour, de Paul Bourget. Chapitre 1er, avant la faute. Le petit salon était éclairé d'une lumière douce par les trois lampes, de hautes lampes posées dans des vases du Japon et garnies de globes sur lesquels s'appliquaient des abat-jour souples de nuances bleu pâle. Une tapisserie cachait la porte. Une autre tapisserie à grands personnages revêtait deux murs. Des rideaux à masses épaisses, d'un rouge très sombre, tirés en ce moment, drapaient les deux fenêtres. Cette pièce ainsi close avait une physionomie d'étroite intimité qu'augmentait la profusion des petits objets épars sur les meubles. Des photographies disposées dans des cadres, des boîtes de laque, des étuis anciens, quelques statuettes de Saxe, des livres brochés dans ces gaines de vieille étoffe dont la mode commençait en cette année 1883. À l'un des coins, une plante verte tordait son feuillage. Un piano vert montrait tout auprès la blancheur de ses touches. Un paravent anglais avec des verres de couleur et une tablette pour poser la tasse de thé, le livre ou l'ouvrage, se pliait contre un des côtés de la cheminée. Le feu brûlait avec un crépitement paisible qu'accompagnait le bruit de la bouilloire caressée par la flamme de sa lampe sur la table basse destinée à cet usage. L'ameublement de ce salon, un peu encombré, offrait ce caractère composite propre à notre âge, avec cette singularité que tout y semblait presque trop neuf. On eût deviné du premier coup d'œil, à de menus indices, que cet aspect parisien avait été cherché volontairement. Des objets de ci de là faisaient contraste. C'était, par exemple, les petites cuillères d'argent, de forme démodée. C'était, sur un des murs, deux copies, d'ailleurs excellentes, de petits tableaux religieux auxquels se rattachaient certainement des souvenirs d'enfance, et qui ne pouvait venir que d'une vieille maison de province. Les photographies d'eux-mêmes, par la tenue et l'aspect des parents ou des amis qu'elles représentaient, témoignaient de relations toutes provinciales. Cette impression de contraste eût encore été rendue plus sensible à celui qui eût visité les autres pièces et retrouvé partout la trace évidente que les personnes installées là n'habitaient Paris que depuis un temps assez court. Ce minuscule salon appartenait à un minuscule hôtel situé au numéro 3 bis de la rue de la Rochefoucauld. Ce bas de rue, qui tombe d'une pente très raide sur la rue Saint-Lazare, renferme quelques maisons particulières d'une grande diversité de constructions et quelques habitations privées qu'entourent des jardins. L'hôtel où se trouvait le petit salon fut construit par un financier célèbre, pour une actrice, sous le Premier Empire, à l'époque où la rue de la Tour des Dames abritait plusieurs princes et princesses de la rampe. Trop exigu pour convenir à une famille trop riche, trop incommode par certaines insuffisances d'installation pour des locataires accoutumés aux minuties du confort anglais, il devait avoir séduit complètement des gens habitués à une vie à demi campagnarde, par l'attrait du chez-soi et aussi par le calme de cette fin de rue, que les voitures affrontent rarement à cause de la difficulté de la montée. Durant ce soir de novembre, ce petit salon, quoique ses croisées donnât sur la cour et cette cour elle-même sur la rue, ne laissait parvenir du dehors qu'une rumeur indistincte et lointaine, coupée de quelques coups de bise. La nuit, si l'on en jugeait par les sifflements de cette bise, devait être froide. C'est du moins ce qu'exprima, en se levant, une des trois personnes réunies dans le salon, un homme assez jeune, qui soupira, en reposant sur le plateau à thé sa tasse vide et regardant la pendule. 10 heures. Il faut que j'aille vraiment chez les Malours ce soir. Ah, quel désastre d'avoir une femme raisonnable qui s'occupe de votre avenir. Ne te marie jamais, Armand. Écoutez ce vent. J'étais si bien ici avec vous. Voyons, Hélène, continua-t-il, en s'appuyant sur le dos du fauteuil dans lequel sa femme était assise. Qu'arrivera-t-il si je manque à cette soirée? Que nous aurons été malhonnêtes avec des gens très aimables et qui ont toujours été parfaits pour nous depuis un an que nous sommes à Paris, répondit la jeune femme. Elle avança vers le feu ses pieds longs, joliment chaussés de souliers vernis et de bas mauves de la nuance de sa robe. « Si je n'avais pas ma névralgie, » ajouta-t-elle en portant ses doigts à sa tempe. « Tu leur diras toutes mes excuses. Allons, mon pauvre Alfred, du courage !» Elle se leva et tendit la main à son mari qui l'attira pour lui donner un baiser. Une visible souffrance se peignit sur le beau visage d'Hélène pendant la minute qu'il lui fallut subir cette caresse. Ainsi debout, avec sa robe de nuance mauve toute garnie de dentelles, l'opposition était plus frappante encore, entre l'élégance de toute sa personne et la gaucherie de celui dont elle portait le nom. Elle était grande, fine et souple. La délicatesse avec laquelle sa main s'attachait à son bras, que la manche de la robe découvrait à moitié, la plénitude de ce bras sur lequel brillait l'or d'un bracelet, la rondeur de sa taille mince, la grâce de son buste jeune, tout révélait en elle l'épanouissement d'une beauté du corps qui s'harmonisait à la beauté de sa tête. Ses cheveux châtains, de nuances claires, simplement séparés au milieu par une raie, cachaient à demi un front presque trop haut, signe probable que l'exaltation prédominait en elle sur le jugement. Elle avait des yeux bruns dans un teint de blonde, de ces yeux qui deviennent couleur de noisette au noir, suivant que la prunelle se contracte ou se dilate, et tout, dans ce visage, dénonçait la passion, l'énergie et la fierté, depuis la ligne un peu trop forte de l'ovale qui indiquait la solide construction du bas de la tête jusqu'à la bouche, d'un dessin très ferme, et depuis le menton digne d'une médaille antique jusqu'au nez presque droit, relié au front par une noble attache. Le caractère à la fois si pur et si vivant de cette beauté justifiait la ferveur empreinte sur le visage de son mari, tandis qu'il embrassait sa femme, de même que l'évidente aversion de la jeune femme s'expliquait par l'ingrate physionomie de son maître et seigneur. Ce n'étaient pas deux créatures de même race. Alfred Chazelle offrait le type accompli d'un Français de la classe moyenne, qui a dû travailler trop assidûment, préparer trop d'examens, passer trop d'heures sur des papiers ou devant un tableau, à l'âge où le corps se développe. Quoiqu'il eût 32 ans à peine, les signes d'un commencement d'usure physique se multipliaient en lui. Il avait les cheveux rares, le teint comme appauvri, les épaules à la fois larges et osseuses, et quelque chose d'anguleux dans ses gestes, comme une gaucherie de tout le corps. On devinait, à voir sa haute taille, la grosseur de ses os et la grandeur de sa main, une disproportion entre le tempérament premier qui avait dû être très robuste et l'éducation qui avait dû être très déprimante. Chazelle portait un lorgnon toujours mal posé, qu'il faisait tomber sans cesse, parce qu'il était maladroit de ses longues mains maigres, ainsi que l'attestait le nœud de sa cravate blanche de soirée si mal enroulé autour de son col déjà froissé. Mais quand ce lorgnon tombait, le bleu de ses prunelles se montrait mieux, un bleu si candide, si frais, si enfantin, qu'il eût été difficile aux plus malveillants d'attribuer la fatigue de cet homme à d'autres excès que des excès de pensée. Le sourire demeurait très jeune et qui découvrait des dents très blanches sous la barbe blonde qu'Alfred portait entière s'accordait avec cette franchise enfantine du regard. Et de fait, la vie de Chazelle s'était écoulée ainsi, entre un travail absorbant, continu, et une absolue inexpérience de ce qui n'était pas son affaire, comme il disait. Fils d'un modeste professeur de chimie et petit-fils d'un paysan, ayant hérité de son père l'aptitude pour les sciences et de son grand-père la ténacité, Alfred était entré, à force d'énergie et avec des facultés moyennes, un des premiers à cette école polytechnique dont beaucoup de bons esprits estiment qu'avec ses examens surchargés et précoces, elle exerce une meurtrière influence sur le développement de la jeunesse bourgeoise de notre pays. À 22 ans, Chazelle en sortait le 12e et 3 ans plus tard, le premier de l'école des ponts et chaussées. Envoyé à Bourges, il s'éprenait de Mademoiselle de Vèvre, à qui son père, marié en seconde noce, donnait une dot très faible. La mort inattendue de cette seconde femme et de son enfant, puis de Monsieur de Vèvre lui-même, enrichissait soudain le jeune ménage. Nommé à Paris l'année précédente au service de la ville, l'ingénieur se trouvait avoir réalisé au centuple les plus ambitieuses espérances de sa jeunesse. La fortune de sa femme montait à 900 000 francs environ, aux revenus desquels se joignaient les 10 000 francs de son propre traitement et les petites rentes laissées par son père. Mais cette aisance, au lieu d'engourdir l'activité du jeune homme, la surexcitait, par l'ambition de compenser en honneur l'inégalité de position entre lui et sa femme. Il s'était donc remis, avec une ardeur nouvelle, à des travaux de mathématiques. L'entrée à l'Institut brillait à l'horizon de ses rêves comme une sorte d'apothéose finale d'une destinée dont il rapportait modestement le bonheur à cette sage maxime de son père, suivre la grande route. Ajoutez à cela qu'un fils lui était né, dans lequel il retrouvait déjà une image de son propre caractère, Et comment ne pas comprendre que cet homme pût se féliciter chaque jour d'avoir pris la vie, comme il l'avait fait, avec une obéissance entière à toutes les conditions moyennes de la classe sociale où il était né? Ces diverses réflexions traversèrent-elles la pensée du troisième personnage, de celui qu'Alfred Chazel avait appelé Armand, tandis qu'il regardait ce tableau conjugal à travers la fumée d'une cigarette russe qu'il venait d'allumer, licence qui révélait le degré de son intimité dans la maison. Le même contraste qui séparait Alfred d'Hélène le séparait aussi d'Armand. Ce dernier paraissait dès l'abord plus jeune que son âge, quoiqu'il eût lui aussi 32 ans passés. Si l'habit mal porté d'Alfred découvrait mieux la maigreur et le déséquilibre de son corps, la redingote du baron de Kern, c'était le nom de famille d'Armand, s'ajustait sur des épaules et un torse d'homme petit mais robuste, évidemment entraîné par l'escrime, l'équitation, la paume et toutes les habitudes de sport que les jeunes gens des classes riches ont contractées à l'imitation des Anglais depuis que les carrières politiques, la diplomatie, le Conseil d'État, la Cour des comptes leur sont interdites par leurs opinions réelles ou affectées. Les discrets bijoux dont il était paré, la finesse de ses mains et de ses pieds, tout dans sa tenue, depuis sa cravate et son col jusqu'aux boucles de ses cheveux noirs, et autour de sa moustache effilée sur une lèvre un peu dédaigneuse, révélait cette profonde recherche de la toilette qui suppose les longs loisirs d'une vie oisive. Mais ce qui sauvait M. de Kern de la banalité habituelle aux hommes visiblement occupés des misères de la mode masculine, c'était, dans un visage d'ordinaire immobile, un regard d'une inquiétude et d'une acuité particulière. Ce regard, qui n'avait rien d'un jeune homme, démentait le reste de la personne au point de donner un caractère d'étrangeté à celui qui regardait ainsi, quoique le désir d'échapper aux remarques et d'être avant tout correct présida évidemment à cette mise. De même que Chazel semblait être demeuré tout jeune de cœur à travers les défaillances du tempérament, celui-ci paraissait, rien qu'à l'expression de ses yeux, des yeux très noirs, avoir subi une précoce vieillesse d'âme et d'esprit à travers l'énergie conservée de sa machine physique. Le visage était un peu long et un peu bistré, comme de quelqu'un chez qui la bile doit prédominer un jour. Le front sans une ride, le nez très fin, une légère fossette frappait le menton carré. Il eût été impossible d'assigner à cet homme une profession ou même une occupation quelconque, et cependant, il y avait dans son être quelque chose de supérieur qui semblait inconciliable avec le vide d'une existence absolument oisive, comme aussi des plis de mélancolie autour de la bouche qui éloignaient l'idée d'une vie toute de plaisir. Cependant, il continuait de fumer avec un calme parfait, tout en montrant, à chaque fois qu'il renvoyait la fumée, des dents petites et serrées, celles d'en bas plantées d'une façon irrégulière, ce qui est, prétend-on, un indice probable de férocité. Il regardait Chazel embrasser sa femme sur la tempe, tandis qu'elle baissait, elle, ses paupières, sans oser regarder Armand, et cependant, si ses yeux avaient rencontré les yeux noirs du jeune homme, ce n'est pas une douleur dont elle eût surpris la trace, mais un indéfinissable mélange d'ironie et de curiosité. « Oui, » dit Alfred, en répondant ainsi aux muets reproches que le visage d'Hélène semblait lui adresser, « c'est de mauvais goût d'aimer sa femme en public, mais Armand me pardonne. Allons, adieu, » fit-il en tendant la main à son ami. « Je ne serai pas absent plus d'une heure. Je te retrouverai, n'est-ce pas ?» Le jeune homme et Madame Chazel restaient donc seuls. Ils se turent pendant quelques minutes, gardant tous les deux la position dans laquelle Alfred les avait laissés, elle debout, mais cette fois les yeux levés sur Armand. Et ce dernier, répondant par un sourire à son regard, tandis qu'il continuait de s'envelopper d'un nuage de fumée. Elle aspirait la légère âcreté de cette fumée en ouvrant à demi sa bouche fraîche. Sous les fenêtres, un bruit de voiture se fit entendre. C'était le roulement du fiacre qui emportait Chazel. Lentement, Hélène s'avança jusqu'au fauteuil où se tenait Armand. D'un joli geste, elle prit la cigarette qu'elle jeta dans le feu. Puis, elle s'agenouilla devant le jeune homme, lui entoura la tête de ses bras et, cherchant ses lèvres, lui donna un baiser. On eût dit qu'elle voulait détruire tout de suite l'impression pénible que l'attitude de son mari avait pu laisser à celui qu'elle aimait, et elle disait, avec un ton clair dans la voix, dont la gaieté trahissait une libre expansion après une longue contrainte, « Bonjour Armand, est-ce que tu m'aimes aujourd'hui ?»« Et vous-même » interrogea-t-il, « est-ce que vous m'aimez ?» Il caressait de la main la joue de la jeune femme. Elle s'était abandonnée à terre, et la tête posée sur les genoux de son ami, le regardait comme avec une fièvre d'extase. « Ah, coquet, reprit-elle, je n'ai pas besoin de vous le dire pour que vous le croyiez. »« Non, répliqua-t-il, je sais que vous m'aimez, beaucoup. Quoi que passé pour aller jusqu'au bout de ce sentiment ?» L'accent avec lequel il prononça cette phrase était empreint d'une ironie qui en faisait visiblement une épigramme. C'était une allusion à des griefs souvent formulés. Hélène accueillit pourtant cette parole moqueuse avec le sourire d'une femme qui a sa réponse toute prête. « Vous aurez donc toujours la même défiance ?» dit-elle. Et quoiqu'elle fût bien heureuse, ses yeux le montraient assez, un reflet de mélancolie passa dans ses doux yeux quand elle ajouta « Vous ne pouvez donc pas croire à mon sentiment sans cette dernière preuve ?»« Une preuve ?» dit Armand. « Vous appelez cela une preuve ?» Mais le don absolu de la personne n'est pas une preuve d'amour, c'est l'amour lui-même. « C'est vrai. » continua-t-il d'un air plus sombre. « Tant que tu refuseras d'être à moi tout entière, je douterai. Pas de ta sincérité. Je crois que tu crois m'aimer, mais de la vérité de cet amour. Trop souvent, on s'imagine avoir des sentiments que l'on n'a pas. Ah, si tu m'aimais, comme tu le dis, comme tu le penses, est-ce que tu te disputerais comme tu fais ? Est-ce que tu me refuserais ce rendez-vous que je t'ai demandé plus de 20 fois? Mais tu me l'accorderais pour toi autant que pour moi. Armand. » Elle commença ainsi, puis elle s'arrêta rougissante. Elle s'est élevée et marchait dans la pièce sans regarder son ami, les bras écartés du corps avec le revers de ses mains posés sur ses hanches, comme il lui arrivait dans les minutes d'extrême préoccupation. Depuis qu'elle avait commencé d'aimer, qu'elle avait avoué son sentiment à M. de Kern, elle savait bien qu'il lui faudrait un jour renoncer à son beau rêve d'une tendresse demeurée pure, quoique défendue. Oui, elle savait qu'il lui faudrait se donner tout entière, après avoir donné son cœur, et devenir la maîtresse de celui à qui elle avait permis de lui dire « Je t'aime ». Elle le savait. Et elle avait trouvé la force de prolonger sa défense jusqu'à ce jour, non par coquetterie. Aucune femme n'était plus incapable de spéculer sur le désir inassouvi d'un homme afin d'aviver sa passion, mais par la permanence en elle du sentiment du devoir. Quelle est la femme mariée qui n'a pas caressé cette chimère d'une conciliation entre l'infidélité du cœur et la foi jurée à son mari? Le renoncement aux délices de l'amour complet lui semble d'abord une expiation suffisante. Elle s'engage dans l'adultère croyant qu'elle ne passera pas une certaine limite. Et elle s'y tient en effet plus ou moins longtemps, selon le caractère de l'homme qu'elle aime. Mais la logique inflexible qui gouverne la vie reprend ses droits. L'âme et le corps ne se séparent pas, et l'amour n'admet d'autre loi que lui-même. Oui, l'heure fatale avait sonné pour Hélène, elle le sentait. Depuis 2 semaines, combien de fois avait-elle eu cette horrible discussion avec Armand qui en venait toujours à exiger cette dernière marque d'amour? Elle comprenait que de chacune de ces scènes, elle sortait amoindrie aux yeux de cet homme. Encore quelques-unes, et il aurait tout à fait perdu la foi dans le sentiment qu'elle éprouvait pour lui, sentiment absolu, irraisonné, car elle l'aimait, comme les femmes seules sont capables d'aimer, d'un de ces amours qui ont presque un caractère d'ensorcellement, et qui sont faits d'un besoin irrésistible de donner le bonheur à l'être qu'on aime ainsi. Elle l'aimait, et l'aimait l'aimer. Une souffrance dans ses yeux chéris lui était physiquement intolérable, et intolérable une défiance, la trace du reploiement de cette âme en arrière. Elle s'était rendue compte de tout cela. Elle avait regardé en face la nécessité de la faute, et elle avait décidé d'offrir d'elle-même à son aimé, ainsi qu'elle l'appelait toujours dans ses lettres, parce que ami était trop froid, et que le mot d'amant lui empourprait le cœur de honte. Oui, de lui offrir cette suprême preuve de tendresse qu'il lui demandait, et voici qu'au moment de consentir, elle ne pouvait plus. Sa volonté défaillait à la dernière minute. allait-elle recommencer ce qu'elle nommait, quand elle y songeait, un haïssable marchandage? Ah, que n'était-elle libre! Libre, c'est-à-dire sans devoir envers son enfant, le seul être qu'elle ne put pas sacrifier à celui qu'elle aimait. Libre d'offrir à cet homme non pas un rendez-vous clandestin, mais la fuite ensemble, un entier sacrifice de toute sa vie. Toutes ces idées allaient et venaient dans sa pauvre tête, tandis qu'elle-même allait et venait dans la chambre. Elle regarda de nouveau son amie. Elle crut voir s'altérer les traits de ce visage qu'elle idolâtrait. « Armand, ne soyez pas triste. Je consens à tout ce que vous voulez. » Ces paroles, dites avec une voix profonde, celle d'une femme qui descend jusque dans le dernier repli de son cœur, parurent étonner le jeune homme plus encore qu'elle ne le touchait. Il enveloppa Hélène de son singulier regard. Si la pauvre femme avait eu la force de l'observer, elle n'aurait pas rencontré dans ses yeux aigus cette émotion divine qui absout la faute de la maîtresse par la félicité de l'amant. C'était bien le même regard, méprisant et curieux à la fois, dont il avait contemplé tout à l'heure le groupe formé par Alfred et par Hélène. Mais cette dernière était trop confuse de ce qu'elle venait de dire pour garder le sang-froid d'une observation quelconque. Puis, comme elle était revenue se blottir aux genoux d'Armand et qu'elle se pressait contre sa poitrine, une expression nouvelle se peignit sur la physionomie du jeune homme, celle du désir presque enivré. Il sentait contre lui la beauté de ce corps si souple. Il tenait dans ses bras ses épaules charmantes, qu'il connaissait pour les avoir vues au bal. Il buvait cet indéfinissable arôme qui flotte autour de chaque femme, et il appuyait sa bouche sur ses paupières, qu'il sentait palpiter sous son baiser. Du moins, seras-tu heureux ? Lui demanda-t-elle avec une sorte d'angoisse, entre deux caresses. Quelle question ! Mais tu ne t'es donc jamais regardé ? Fit-il, et il commença de lui vanter toutes les délicatesses de son visage. Tu n'as donc jamais regardé tes yeux ? Et il y traînait de nouveau ses lèvres. Ta joue si rose ? Et il la flattait de la main. Tes fins cheveux ? Et il les respirait comme une fleur. Ta bouche aimée ? Et il y posait la sienne. À cette adoration de sa beauté, qu'eût-elle répondu? Elle s'y prêtait avec un sourire à demi égaré, abandonnée à ses caresses et à ses paroles comme à une musique. Cela faisait vibrer quelque chose de si intime et de si vague à la fois dans son être, qu'elle sortait de ses étreintes à demi brisée, comme morte. Ce n'était pas la première fois qu'elle se laissait aller ainsi à la douceur des baisers d'Armand. Mais si doux, si enivrant que fussent ses baisers, auquel il lui était impossible de résister, à chaque fois, elle avait trouvé la force de se dérober à des caresses plus hardies. Non, jamais, jamais, elle n'aurait consenti, même si le danger d'une surprise n'eût pas existé, à succomber ainsi dans le petit salon où les portraits de sa mère, de son mari, de son fils, lui rappelaient ce qu'elle était pourtant disposée à immoler. Ah, pas comme cela. Et encore, à cette minute, quand elle vit sur le visage d'Armand une certaine expression qu'elle redoutait tant, elle trouva le courage de s'échapper et, assise de nouveau sur un autre fauteuil, prenant de ses mains qui frémissaient un éventail qu'elle ouvrit et referma, elle reprit « Je serai à toi demain, si tu le veux. » Armand parut se réveiller du passage d'ivresse où il venait de rouler. Il la regarda et elle eut de nouveau la sensation dont elle avait déjà tant souffert, celle d'un voile subitement tendu entre elle et lui. Qu'avait-elle dit cependant qui pût lui déplaire? Elle pensa qu'il était blessé de ce qu'elle l'avait fui, car prononcer la phrase qu'elle venait de prononcer n'était-ce pas se donner à lui d'avance, et comment lui en aurait-il voulu de désirer que leur bonheur eût un autre cadre que celui de sa vie de tous les jours? Mais il lui avait déjà répondu par cette question. « Où veux-tu que je te retrouve? Chez moi ? Je peux renvoyer mon domestique toute l'après-midi. » Oh non, répliqua-t-elle vivement, pas chez vous. Elle venait d'avoir la vision que d'autres femmes étaient venues chez Armand, ces autres femmes qu'une maîtresse nouvelle trouve toujours entre elle et celui qu'elle aime, comme la menace d'une comparaison funeste, comme une flétrissure anticipée de ses propres caresses, puisque l'amour est toujours pareil à lui-même dans ses formes extérieures. Du moins, songeait-elle, que ce ne soit point parmi les mêmes meubles. « Voulez-vous, interrogea Armand, que je demande à un de mes amis de me prêter son appartement ? » Elle secoua la tête comme tout à l'heure. Elle entendait à l'avance la conversation des deux hommes. Elle était femme, et jusqu'ici honnête femme. Elle comprenait trop que sa façon d'envisager son propre amour ne ressemblait guère à celle qu'aurait l'ami inconnu auquel s'adresserait Armand. La passion, à ses yeux à elle, sanctifiait tout, même les pires égarements, spiritualisait tout, même les plus ardentes voluptés. Mais lui, cet homme inconnu, que verrait-il là? Qu'une aventure galante sur laquelle il plaisanterait? Un frisson la secoua. Elle regarda de nouveau Armand. Ah, que les pensées de son aimé lui eussent fait horreur, si elle avait pu les lire. Decker n'en était pas à sa première intrigue de ce genre. Il s'en fallait de beaucoup. Et il ne croyait pas qu'elle en fût, elle, à sa première faiblesse. Elle lui avait bien dit qu'il était son premier amour, et c'était vrai. Mais quelle preuve donner de la vérité de ces serments-là? Ce jeune homme avait trop menti lui-même, et on lui avait trop menti pour que la défiance ne fût pas le plus naturel de ses sentiments. Il n'avait provoqué cette odieuse discussion sur le lieu de leur rendez-vous qu'afin d'étudier dans les réponses d'Hélène la trace des expériences amoureuses qu'elle avait traversées, et la seule curiosité le faisait insister sur ce sujet qui en ce moment étouffait de honte la jeune femme. Le scrupule qu'elle montrait de ne pas lui appartenir chez elle lui semblait un calcul de volupté, celui de ne pas lui appartenir chez lui un calcul de prudence. Quand elle refusa d'aller dans l'appartement d'un ami, « Elle a peur que je ne prenne un confident, » se dit-il. « Mais que veut-elle ? » « Si je meublais un petit appartement ? » fit-il. Elle secoua la tête, quoique c'eût été là son rêve secret. Mais elle avait peur, si elle acceptait, qu'il ne vît là un désir de gagner du temps. Et puis, la nécessité, si le rendez-vous se donnait toujours dans la même place, de subir l'attention des gens de cette maison, l'idée d'être la dame voilée dont on épie l'arrivée. Elle aurait pourtant consenti à cette combinaison, quoiqu'il s'y mêlât aussi une question d'argent dépensé, qui lui faisait horreur. S'il n'avait pas eu un autre sentiment encore, le seul qu'elle dit tout haut, en secouant sa tête à laquelle montait la fièvre, « Ne me juge pas mal, Armand, comprends-moi plutôt. Je voudrais être à toi dans un endroit dont rien ne resterait ensuite, vois-tu ? Cet appartement que tu meublerais pour moi, si jamais tu cessais de m'aimer, que deviendrait-il ? Moi, je ne peux pas en supporter l'idée, même maintenant. Ami, ne me fais pas tort, comprends-moi un peu. » Elle parlait ainsi, mettant à nu le côté profondément romanesque de sa nature et aussi la plaie secrète de son cœur. Quoiqu'elle ne se rendît pas un compte exact du caractère d'Armand, caractère affreux de sécheresse sous des dehors tendres, car chez cet homme le divorce était absolu entre l'imagination et le cœur. Elle s'apercevait trop qu'il était tourné à mal interpréter les moindres signes. Elle voyait que la défiance naissait en lui avec une soudaineté presque maladive. Elle avait bien compris qu'il doutait d'elle, mais elle avait cru que ce doute venait uniquement de ses refus de lui appartenir. C'était pour cela qu'elle consentait à lui donner cette dernière preuve. « Il ne doutera plus, » songeait-elle, et cette idée seule lui faisait chaud à tout le cœur. Pourvu qu'il n'allât point lui imputer à crime ses réponses, elle se leva pour aller à lui, et appuyée sur le dos de son fauteuil, elle lui entoura le front de ses mains. « Ah » dit-elle avec un soupir, « si je pouvais savoir ce qui se passe là. » C'est un si petit espace, et c'est dans ce petit espace que sont tout mon bonheur et tout mon malheur. « Si tu pouvais y lire, » répondit le jeune homme, « tu n'y verrais que ton image. » « J'y lirai demain, » dit-elle finement. « Demain, » reprit-il avec un sourire, « mais l'endroit de notre rendez-vous, il ne reste plus que l'appartement meublé ou l'hôtel ?»« L'appartement meublé, l'hôtel. » Ces mots firent tressaillir Hélène. Toutes les hontes de l'adultère lui paraissaient contenues dans leurs syllabes. C'était la montée en fiacre avec le sourire narquois du cocher. C'était l'entrée dans une de ces maisons dont le seuil avait passé tant de femmes furtives et palpitantes. C'était, comme cadre à son divin sentiment, des meubles ayant servi peut-être à des scènes semblables. Oui, mais c'était aussi quelque chose d'anonyme, d'impersonnel, d'à jamais étranger. Et puisque tout était souillure, cette souillure-là était la moindre. Elle était trop sûre de la délicatesse d'Armand pour penser qu'il pût la conduire dans un endroit où il fût allé avec d'autres. Elle aurait à supporter un dégoût personnel, mais rien qui touchât l'essence même de son sentiment. Ce fut donc avec une résolution courageuse qu'elle répondit à son ami. Aurez-vous le temps de trouver dans une matinée ? Oui, dit-il après un instant de réflexion. Je songe à une maison très convenable où un de mes amis anglais descendait toujours. Voyons, continua-t-il, je vous enverrai entre 10 et 11 heures des livres et un billet. Je vous y donnerai l'adresse de la maison et le numéro de l'appartement comme si vous m'aviez demandé cette adresse pour une de vos amies de province. Que cela ne vous empêche pas de brûler le billet tout de suite. Vous viendrez à l'heure que vous pourrez. Je passerai toute l'après-midi à vous attendre, et si vous ne venez pas, je ne serai pas fâché. Je croirai que vous n'avez pas pu. » Elle l'écoutait avec un mélange de douleur et de ravissement. De douleur, car il allait tant lui en coûter de tenir sa promesse. De ravissement, car tout le soin qu'il prenait de lui marquer ses détails, au lieu de l'éclairer sur le cœur de cet homme, lui paraissait un signe de son amour, et leur causerie se prolongeait dans le calme salon, devant le feu qui achevait de mourir, jusqu'au moment où l'arrêt d'une voiture devant la porte annonça le retour d'Alfred. « Adieu, mon amour, » fit Hélène en prenant la main d'Armand et en la lui baisant, comme cela lui arrivait quelquefois par douce câlinerie. Et déjà, elle tenait un ouvrage commencé quand Chazel entra. Il regarda tout de suite sa femme en disant joyeusement « ouf » de son loyal et bon regard. Comme Armand le connaissait, ce regard qui n'avait pas changé depuis les jours de leur enfance, lorsqu'ils étaient tous les deux à l'institution Banabost, d'où ils suivaient les cours du lycée Henri IV. La pension se trouvait située là-bas derrière le Panthéon, au coin de la rue du Puy qui parle, aujourd'hui rue Amyot. Ce ne fut cependant pas le remords de tromper l'homme qu'il avait connu tout enfant, qui causa soudain un malaise à De Kern. Ce fut de penser qu'Hélène trompait cet être si confiant. L'égoïsme masculin a de ces monstrueuses naïvetés. Un séducteur qui entraîne une femme méprise cette femme de lui céder et oublie de se mépriser de la séduire. Alfred, cependant, avait pris les mains d'Hélène. « Je me suis consciencieusement ennuyé ce soir. Que me donneras-tu en récompense ? » demanda-t-il, comme ce tutoiement lui faisait mal à elle. Comme elle aurait voulu crier à ce mari sans soupçon, « Ne voyez-vous pas que j'en aime un autre ? Laissez-moi m'en aller. Je ne veux plus vous mentir. » Mais à deux chambres de là, un petit lit déployait ses rideaux blancs sous lesquels dormait son fils, son petit Henri. Pourquoi l'image de cette tête aux cheveux bouclés se trouvait-elle trop faible pour l'arrêter sur le fatal chemin de l'adultère et assez forte pour l'empêcher de suivre sa passion jusqu'au bout ? Elle entrevit cet enfant tandis que son mari lui parlait. Elle ne songea pas à mépriser Armand de ce qu'il s'était fait aimer d'elle, quoiqu'elle fût la femme d'un ami. Elle se méprisa elle-même de ne pas l'aimer assez, puisqu'elle n'aimait pas les souffrances dont il était la cause, et soutenue par l'idée qu'elle faisait cela pour lui, elle eut comme un mouvement d'orgueil à tendre son front au baiser de son mari et à dire gracieusement « Voilà bien les hommes, il faut les payer tout de suite pour faire leur devoir ».